بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي درس الماضي أخذنا شيئا مما يتعلق بالبسملة، وأخذنا مذاكرة في موضوع التوحيد. On a pris des choses relatives à la basmala en résumé et on s'est rappelé des points sur rapportant au tawhid. Et que l'auteur a cité le tarif du tawhid qui est tawhid al-uluhiyya. Et on a dit que le tawhid est plus large que cela, il englobe également tawhid al-rububiyya ou tawhid al-asma wa sifat. Après, l'auteur il va poursuivre en expliquant au fur et à mesure comment les gens sont arrivés au shirk. Pour expliquer justement qu'est-ce que le shirk, et démontrer que les gens, par la suite, qui s'apparentent à l'islam, étant tombés dans le shirk, agissent de la même façon. فقال بعد هذا يعني عن التوحيد تمام يتكلم عن التوحيد فما قال اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده. Après qu'il a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le tawhid, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Yaqul, wa huwa din ar-rusul allazi arsalahum Allahu ila ibadihi, fa awwaluhum Nuh alayhi salam. Donc il a dit que ce tawhid, c'est la religion des messagers, ce même messager qu'il a envoyé à ses serviteurs. Et le premier de ces messagers, c'est Nuh alayhi salam. Donc ce que le Cheikh a voulu dire par là, rahimahullah ta'ala, c'est que le tawhid, la religion par laquelle ont été envoyés les messagers, c'est appelé à l'adoration d'Allah seul. Tawhid al-uluhiyya, comme zakarna. Comme encore le ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Ils ont certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah et il est au niveau du taghut. Wa qala ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée, qui ce n'est moi, alors adorez-moi. Donc ça, c'est ce tawhid-là, tawhid al-uluhiyya, dans lequel, comme on a expliqué, il y a eu la divergence entre les messagers et leur peuple qui ont mécru en eux. Tourner l'adoration seule pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne reconnaît pas ce tawhid est un mushrik kafir. Même s'il reconnaît tawhid al-rububiyya wa tawhid asma wa sifat. S'il adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne servira à rien. Wa huwa min al-shirk wa an-nar. Al-khalidina fiha. Wa shir zakara fi hadha anna awwal ar-rusul huwa Nuh alayhi salam, que le premier des messagers c'est Nuh alayhi salam. Fa qala ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا لِقَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. Le sens où Allah dit, nous avons certes envoyé Nuh à son peuple en leur disant, je suis certes pour vous un annonciateur clair, que vous n'adoriez que Allah. وَقَالَ تَعَالَى وَلِعَادٍ أَخَاهُ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et ensuite, il envoie d'autres messagers à d'autres peuples. Comme l'exemple, par exemple, qu'il envoyait Hud au peuple de Aad, leur disant, dans le sens où il dit, et lorsque nous avons envoyé à Aad leur frère Hud, qu'il leur dit, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Et également, ce qu'il envoya, Salih à Thamoud, qu'Allah ta'ala, ou les Thamoud, akhahum, Salih, qu'Allah yakoumi, abudullah, malakoum, min ilahin ghayru. Lorsqu'il envoyait Salih, leur frère Salih, yani à Thamoud, leur frère Salih, il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui. Et kazalik, jamais ar-rusul, tous les messagers sont venus avec le même message, d'adorer Allah seul, et qui n'ont pas d'autre divinité en dehors de lui. Donc le premier de ces messagers, c'est Nuh, alayhi salam. Alors comme a dit le shaykh, هذا حق فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول فبهذا نعلم خطأ المؤلخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح، لأن الله تعالى يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الصحيح في الحديث في قصة الشفاعة قال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلا رسول قبل نوح بإجماع العلماء. Donc le premier de ces messagers c'est Nuh alayhi salam qui a été envoyé aux gens de la terre. Et de là on voit l'erreur que certains historiens ont dit que Idris alayhi salam est envoyé avant Nuh. Dans le verset là, dans le sens où il dit nous t'avons certes révélé à toi comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes d'après lui. Et dans le hadith authentique, selon Anas, dans le Sahihain, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la Shafa'a, que chaque peuple, ou que plutôt les gens, cherchent qui pour intercéder en leur faveur, ils sont rendus auprès de Adam alayhi wa sallam, qui s'est excusé de ne pouvoir faire cela, et les envoyer vers Nuh. Faqalu Ya Nuh, anta awwal Rasul arsalahu Allah ila ahli al-ard. Oh Nuh, c'est-à-dire en lui montrant sa valeur et son mérite, en lui disant tu es le premier des messagers que Allah SWT a envoyé aux gens de la terre. Donc Nuh alayhi salatu wassalam est le premier messager envoyé bi ijma' wa bi adillat al-kitab wa sunnah. Il y a toutes les preuves du kitab de la sunnah et en plus de cela il y a l'ijma' là-dessus. Nous avions évoqué la différence qu'il y avait entre le messager et le prophète, car Adam alayhi salam n'était pas un messager mais un prophète. D'accord? Pour pas que les gens tombent dans la confusion en disant comment Adam est venu avant Nuh et Adam ou Aboul Bachar. Comment se fait-il que Nuh soit le premier messager? On dit que Adam alayhi salam était un prophète et non un messager. Et Nuh alayhi salam était un messager. Et il y a une différence entre les deux. Parmi les différences, comme on l'a cité souvent, c'est que le messager, en général, vient avec un livre et vient avec une nouvelle législation. Ce n'est pas dans l'absolu, mais ce qui est souvent le cas. Par exemple, Youssouf alayhi salam n'a apporté aucun livre avec lui. Et il n'a apporté aucune nouvelle législation, il était sur celle de ses pères. Comme il l'a dit lui-même. Et souvent, c'est cela. Et aussi que le messager est envoyé à un peuple qui dément. Alors que le prophète est envoyé à un peuple qui est oublié, croyant qu'il est oublié pour leur faire le rappel. Et que le prophète, lui, ne vient pas avec une nouvelle législation. Il vient pour confirmer celle du messager d'avant lui et pour annoncer le messager qui viendra par la suite. Et dans Usul Salafa, on avait pris une masala qui était le nombre des messagers ou des prophètes. Car à la base, il n'y a aucun hadith authentique qui dénombre le nombre de prophètes envoyés. Il y a un hadith qui est venu, mais il est faible, disant qu'ils sont 124 000, yani les prophètes. Et le hadith, il est dha'if, jiddan. Par contre, j'avais dit qu'il n'y a pas non plus de dalil sahih pour le nombre des messagers. Et en fait, si, il y en a un, comme cela a été rapporté par l'imam al-Tabarani, et Ibn Hibban, selon Abi Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le nombre de messagers était de 315. Et le hadith a été authentifié par Shah Mokbel, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Jami' al-Sahih. Donc là, c'est juste pour corriger ce qu'on avait dit dans le Sous Salafa, qu'il n'y avait pas de hadith clair, car probablement que les savants ont dû diverger quant à l'authenticité de ce hadith de Abu Umama. Parce que certains disent qu'il n'a pas de dalil clair. Donc le hadith, sûrement ils l'ont connu, et peut-être qu'ils n'ont pas d'avis comme Shah Mokbel par rapport à ce hadith, mais en tout cas Shah Mokbel l'authentifie, autre que lui d'ailleurs, même les machères. Donc ce hadith stipule que le nombre des messagers était de 315. Tayyib. Wa ba'da hadha qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Arsalahu Allah ila qawmihi lamma غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويعوث ويعوك ونصر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ووكسر صور هؤلاء الصالحين. Donc l'auteur poursuit après qu'il ait parlé de Nour, il a dit qu'il a envoyé à son peuple lorsqu'ils ont exagéré dans les salihin, qui étaient Wad, Wasuwa', et Ya'outh, et Ya'ouq, et Nasr. Et le dernier des messagers, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour casser les représentations de ces salihin. Donc là, on comprend que la base du shirk, comment a-t-il commencé? Par le rouleau, qui est l'exagération. D'ailleurs, comme le shir le cite, shir al-famin, que l'auteur a même fait un bab, son kitab tawhid, qui est, dans cette mas'ala, bab, ma ja'a, anna sabab kufr bani adam, wa tarkihim dinahum, huwa, al-ghulu fi salihin. Qui est la cause de la mécréance des fils d'Adam, et de leur délaissement de la religion, ça a été l'exagération dans les salihin. Ma wa al-ghulu, قال هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. Que le rouleau, c'est le fait de dépasser les limites dans l'adoration, dans les œuvres et dans les éloges ou même les critiques. Ça, c'est une des définitions du rouleau. ثم قال والرولو ينقسم إلى أربعة أقسام. Le rouleau est de quatre catégories. القسم الأول الرولو في العقيدة. كغلو الكلام في الصفات حتى أدى بهم إما إلى التمثيل أو التعطيل. Donc la première catégorie de rouleau, c'est celle qui est lue dans la Aqidah, comme ce fut le cas des philosophes, genre du kalam, par rapport aux sifat, à tel point qu'ils en sont arrivés à deux extrêmes. Soit le tamthil, c'est-à-dire le fait de représenter Allah subhanahu wa ta'ala et de le mettre comme sa création, tamthil ou tashbih, ou sur le ta'til, le contraire total, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé toutes ces sifat pour justement, par peur, de ne tomber dans le tamthil. Ils sont allés entre deux extrêmes. Soit ils ont exagéré dans les asma ou sifat, en attribuant le sifat à Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est de sa création. Ou le contraire, par peur de tomber là-dedans, ils ont tout supprimé comme sifat pour dire qu'ils ne ressemblent à rien, ça c'est vrai, mais à tel point qu'ils ont, même ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué, ils l'ont renié. هذا هو التعطيل والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Et que le juste milieu, c'est la voie des gens de la sunna, qui eux ont affirmé ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour son Seigneur parmi les noms, parmi les attributs, sans chercher, sans altérer le sens, sans les supprimer, et sans chercher le comment, ni chercher à représenter. On prend les textes comme ils sont venus, dans leur apparent. Le sens est connu, mais le comment est ignoré comme a dit l'imam Malik. Al-ma'na ma'loum, wal-kif majhoul. Wal-su'el anhu bid'a. Et le fait d'interroger à ce sujet, comment, sans le sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est une innovation. ثم القسم الثاني قال الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر فعل الكبيرة وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا لا يدر مع الإيمان ذنب والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية. Et la deuxième catégorie de غلو, c'est celle dans l'adoration, comme l'ont fait les Khawarij, ceux qui voient la mécréance de celui qui a accompli, qui a commis un grand péché. Et également, les Mu'tazila, qui eux, ont une croyance similaire. La différence, c'est qu'ils voient que celui qui fait un grand péché est dans une voie intermédiaire. Et cela est de l'extrémisme. Et, à l'opposé de cela, l'autre extrême, on a le laxisme des Murji'a, qui voient que eux, le péché ne nuit en rien à la foi. C'est-à-dire que le serviteur, quoi qu'il fasse, à partir du moment où il a l'hymen, comme eux l'ont conçu, Quoi qu'il fasse, rien ne lui nuit. Quoi qu'il dise également, tant que cela est dans son cœur. Et le juste milieu reste le mazhab des gens de la sunna. Que celui qui commet un grand péché, son iman sont réduits en mesure de ce péché. Car pour les gens de la sunna, l'iman, ou i'tiqad, ou akul, ou amal, yazid ou bita'a, ou yankous bil ma'asiyah. C'est ça la foi. C'est une croyance. Parole et acte du cœur et des membres. Que cette foi augmente avec les obéissances et elle réduit avec les péchés. ثم قال القسم الثالث الغلو في المعاملات وهو تشدد بتحريم كل شيء فقابل هذا التشدد تساهل من قبل من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. Ensuite, la troisième forme de relou, c'est celle qui a lieu dans les échanges et dans ce qui est attrait au bien des gens, mais également lié à la religion. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils sont extrêmes, dans un point extrême au point de rendre tout est haram pour eux. Ça, c'est du relou. Pas même, c'est partie du relou que de rendre tout haram. Ça, c'est haram, ça, c'est haram, ça, c'est haram, ça, c'est haram. Et à l'inverse, on a le relou dans le laxisme, de ceux qui rendent tout halal. Tout est permis pour eux. Même le riba, même l'escroquerie, la kaza, ils rendent tout halal. Ça, c'est du relou kazalik. Et le wasat, également, c'est celui qui rend haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram avec dalil, et le halal ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu halal. Et les choses ambiguës, comme a dit le hadith Norman ibn Bashir, entre les deux, il y a des choses qui sont mutashabiha, qu'est-ce qu'on fait? On les évite. Quand on n'a pas de preuve que telle chose est haram ou que telle chose est halal, on a un doute, car à la base, dans les choses, dans la dunya, c'est al-hil, tout est halal. Et les choses dans la religion, comme les ribada, l'origine, c'est que tout est interdit, mais sauf qu'on ait une preuve qui nous dise que cela est légiféré. Et parfois, on a des choses, on ne sait pas. Nous vivons dans le doute. Quand on ne sait pas, on ne s'avance pas. Et on délaisse, et on interroge, pour savoir. On interroge les gens de science, et bien évidemment, on demande le dalil qui va avec, pour être sur la science de ce que l'on fait. طيب. والقسم الرابع الغلو في العادات وهو تشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول لما هو خير منها إما أن كانت العادة متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادة الوافدة. Et la quatrième catégorie de roulou définie par le shir, c'est dans les coutumes des gens. C'est comme par exemple le fait de s'accrocher dans l'absolu aux anciennes coutumes et de ne pas prendre ce qui est meilleur qu'elles. Par contre, si jamais ces coutumes, quand même, ces coutumes sont à un niveau égal dans les masalih, c'est-à-dire dans les intérêts, alors mieux vaut pour la personne qu'elle reste sur cette bonne coutume plutôt qu'elle se déplace vers les nouvelles qui, elles, emmènent à mal. Donc ça veut dire que c'est le juste milieu. Les coutumes, il ne faut pas se dire ça c'est notre habitude à nous, c'est notre coutume à nous, on reste dessus, on ne change pas. Non, si cette coutume s'oppose à la religion ou qu'elle apporte un mal et qu'il est démontré, on la délaisse. Et l'inverse, kazalik, il y a des coutumes anciennes qui sont bonnes, sur lesquelles les gens ont toujours été et qui sont un bien, et que après des gens au cœur corrompu viennent avec des nouvelles pour pouvoir abroger celles-ci, donc les gens également ne se précipitent pas pour tout ce qui est nouveau. Tout ce qui vient comme ça qui est nouveau, on regarde, si jamais ces choses nouvelles apportent un bien meilleur que celui sur lequel on est, alors on se déplace. Si elles sont pareilles, m'affichez. Et si elles sont moins bien, on les délaisse. Donc également le juste milieu. Ce n'est pas toute coutume qui est mauvaise, ce n'est pas toute coutume, nouvelle coutume qui vient qui soit bonne non plus. Il faut regarder et peser bil adillah min al-kitab wa sunnah. Awalan. Donc ça c'est les quatre branches de rouleau définies par le cheikh. ثم قال الغلو في الصالحين. فمن هو الصالح؟ C'est qui le صالح؟ الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله. Le صالح, c'est celui qui a accompli le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui rend son droit et à celui de ses serviteurs. هذا هو الرجل الصالح. Et Wad, et Suar, et Ya'outh, et Ya'ouk, et Nasr, justement, étaient des idoles du peuple de Nour. C'était des hommes, à la base, des gens pieux. Rijal Salihin. Comme cela fut rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas, dans Sahih al-Bukhari. Anou qal, هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن أنصبوا إلى مجالسكم إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائها ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم فعبدت. Il a dit que ça c'est le nom de gens pieux du peuple de Nuh عليه السلام. Lorsqu'ils sont morts, Shaitan est venu inspirer aux gens de leur faire des représentations à leur effigie et de les placer dans leur lieu d'assise afin de se rappeler d'eux quand même et de leur rapporter leur nom de ces hommes. Et par la suite, quand ces gens qui ont fait cela, les premières générations, sont morts, ils ont péri, les gens les ont oubliés, ont oublié les causes et sont mis à adorer ces idoles. Et comme le chien le cite, et c'est aussi un tamis de Cheikh Mokbil, cette explication comporte un problème. Pourquoi? Car Ibn Abbas, il dit que ça, c'est selon le nom d'homme pieux du peuple de Nuh. Taïeb, que Wad et Suwar et Ya'outh et Ya'ouk et Nasr étaient des gens du peuple de Nuh. Et pourtant, le verset indique qu'ils étaient avant Nuh, c'est-à-dire que Nuh est arrivé et que son peuple adorait déjà ses idoles. Comme Allah Ta'ala, قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلى خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونصرا. Donc dans le sens où Allah dit que Nuh il dit au Seigneur, ils m'ont désobéi et ont suivi ceux dont ni les biens ni les enfants ne leur portent, si ce n'est de la perdition. Ils ont fait un grand complot et ils ont dit, ne délaissez pas vos divinités, ne laissez pas Suwa, ne le laissez pas Ya'outh, ni Ya'ouk, ni Nasr. Donc, comme on l'a expliqué, ce verset démontre que lorsque Nuh est arrivé, son peuple adorait déjà ces gens-là. Et dans le Afar d'Ibn Abbas, que justement ils ont été adorés quand les premières générations ont péri. C'est-à-dire ces gens qui étaient des idoles étaient vivants. Ensuite, ils sont morts. Ensuite, les gens de leur peuple ont fait des représentations à leur effigie. Taïeb, pour se rappeler d'eux. Après, ces générations sont mortes, elles aussi. Ensuite, les gens qui sont venus après ont oublié les causes de la confection de ces souars et se sont mis à les adorer. Et là, Nuh est apparu alors que ces gens étaient en train d'adorer ces idoles. Donc comment ces hommes auraient pu-ils être des gens du peuple de Nuh? Ça, c'est un ishkel. Et même Cheikh Mokbil, rahmallahu ta'ala, a dit que ce afar est muntaqad dans Sahih al-Bukhari, car il s'oppose, il contredit, yani il y a un problème par rapport au verset, dans la chronologie des faits. Et la réponse, Allahu a'lam, on ne l'a pas. Le chien ne la cite pas. Et la seule réponse qui est donnée, c'est que Cheikh Mokbil voit que le afar de Ibn Abbas, il est muntaqad. Yani fi kalam. ثم قال وآخر رسول محمد. Que le dernier, c'est Muhammad صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Que Muhammad n'était pas le père entre vous, cependant le messager d'Allah est le dernier des messagers. Et également dans le même hadith dans lequel il a été affirmé que Nuh était le premier des messagers, dans le hadith de Anas ibn Malik, dans le hadith de la Shafa'a, également lorsqu'ils vont voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit la même chose. Anta Rasulullah wa akhir al-nabiyyin wa khatam al-nabiyyin. Tu es le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc c'est affirmé également. Le kitab wa sunnah wa l'ijma. Donc c'est le dernier des prophètes. Et le chien cita Tayyib. Alors, si c'est le dernier des prophètes, que dit-on de Isa alayhi salam qui n'est pas encore mort, qui va revenir? Il explique que Isa alayhi salam, lorsqu'il va revenir, il va juger selon la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isa est considéré comme étant un précédent, antérieur à Muhammad. Mais là, il est venu avant lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé aux cieux. Il redescendra à la fin des temps. Mais cependant, il suivra la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma wa dalil ala hada? Qala ta'ala, wa iz akhadha Allahu bithaqa an-nabiyyin lama ataytum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Qal akrartum wa akhadhtum ala zalikum isri. Qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Dans le sens où Allah a dit, parce que Allah a pris l'engagement des prophètes que je vous apporterai un livre et une sagesse de moi, et que par la suite, vous annonçons qu'un messager viendra pour confirmer ce qui est avec vous, que vous devrez croire en lui et vous devrez le secourir. Est-ce que vous consentez à cet engagement? Ils ont dit, nous nous y consentons. Donc il dit, alors soyez témoins et je suis avec vous du nombre de témoins. Et ce messager annoncé dans le verset, qui viendra d'après eux, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est venu dans un affaire d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. وفي قوله وهو كسر صور هؤلاء الصالحين qui va casser les figurines de ces صالحين. C'est quoi? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va casser les idoles. Et cela est arrivé à quel moment? Yom al-Fath. Quand il est rentré à Mecca et qu'il a trouvé autour de la Kaaba plus de 360 idoles, il s'est mis aller casser avec son bâton et en listant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en restant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ja'a al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, en disant dans le sens que la vérité est venue et que le faux est parti, et certes le faux est amené à partir, à disparaître. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et a brisé toutes ses idoles, et c'est pour ça qu'il a été envoyé, pour que l'adoration ne soit que pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala, ainsi que tous les messagers d'avant lui. Naam. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui. On a appris des choses qui sont déjà connues, alhamdoulilah, que le premier messager c'est Nour, que le dernier c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdoulilah, on a appris l'aqsam du rouleau, cité par le shir, qui sont dans la croyance, dans les asma wa sifat, qui sont dans l'adoration, dans le fait, comme par exemple, comme les khawarij l'ont fait, en rendant mécréant toute personne qui commet des grands péchés, et à l'inverse, les Mourji'a qui disent que aucun péché ne nuit avec la foi. On a pris le roulou dans le fait de rendre tout halal ou de rendre tout haram, et le roulou dans le fait de s'accrocher aux anciennes ou nouvelles coutumes. Parce que pour les gens, le roulou, malheureusement, il est conçu comme étant justement dans l'extrême, ou de rendre tout haram, ou de rendre mécréants les gens par les zonobes, ou d'en faire trop. Le roulou, ce n'est pas l'extrême dans le fait de pousser la chose, mais c'est dans l'extrême dans le fait de retenir la chose. Celui qui fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création a du roulou. Celui qui supprime tous les attributs a du roulou. Celui qui rend mécréant pour les péchés a du roulou. Et celui qui dit que le péché ne nuit en rien, il a du roulou également. Celui qui rend tout haram, il a du roulou. Celui qui rend tout halal, également a du roulou. Wa akada. Donc le rouleau, ne pas le mettre que sur une branche, mais il faut le mettre également dans son opposé. Et ce qu'il nous est demandé à nous, c'est d'être le juste milieu. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous une communauté du juste milieu. هَذَا وَالْمَطْلُوبُ مِنَّا شَرْحًا. نعم. فَنَقِفُنَا الْيَوْمَ وَنَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.